Alors, Marc 3, nous sommes fixés dans une position spécifique qui est celle de l'étude des apôtres. L'étude des apôtres. Quand on étudie la vie des gens dans la parole, ce qui est merveilleux, c'est de voir que, encore une fois, ils sont comme nous. Hein? Ils sont pas plus divins parce qu'ils étaient dans la présence de Jésus-Christ. On aurait pu croire que Jésus aurait pu les toucher et soudainement, pouf, ils seraient des saints sans péché. Ce n'est pas le cas. Et la parole prend comme un certain plaisir à nous montrer les fautes des hommes et des femmes qui nous ont précédés. Pourquoi? C'est qu'ils savent très bien que nous, aujourd'hui, on fait les mêmes fautes, les mêmes gaffes, les mêmes erreurs. Et que si on regardait la parole et tout ce qu'on voyait, c'était des gens parfaits, on se dirait « Oh, j'ai rien à voir avec le travail de Dieu. Je suis trop imparfait, je suis inutilisable. » Alors, c'est ce qu'on voit dans la parole. Et là, on va étudier trois autres apôtres ensemble aujourd'hui. Le titre encore de ce service, c'est « Le bon, la brute et le truand ». Le bon, la brute et le truand. Nous montrant effectivement les différents types de personnes que l'on fait face. Bon, la brute et le truand, 2. Il y avait un homme au Congo qui aimait bien Dieu. Et il pria de cette façon-ci, « Seigneur Jésus, tu es l'aiguille et je suis le fil. Puis-je te suivre partout où tu iras? » Partout où tu iras. Et je trouvais que c'était une très belle prière. Parce que qu'est-ce qu'un fil et une aiguille font? Ils recousent, ils rassemblent, ils réparent. Et évidemment, on ne veut pas se mettre à l'avant. On veut laisser Christ être la locomotive de notre vie. Mais c'est facile de dire ça, mais ensuite, il faut suivre partout où là, Dieu va nous amener. Puis des fois, on n'a pas envie de se retrouver là. On se retrouve dans des positions inconfortables, frustrantes. Mais c'est là qu'on grandit, c'est là qu'on est transformé. Et on voit ça dans la vie des apôtres. Jusqu'à la fin de leur vie, ils ont suivi Christ comme l'aiguille qui rassemble. On va regarder la vie de Jean ensemble, la vie de Jean. Donc, nous sommes dans Marc 3, verset 16. Il établit les 12, Simon, qui surnomma Pierre, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, frère de Jacques, auquel il donna le nom de Boanerges, qui signifie « fils du tonnerre ». Fils du tonnerre. Alors Jean, le frère de Jacques. Vous vous souvenez, on a regardé la vie de Jacques la semaine passée. Pourquoi est-ce qu'on parle de Jacques avant Jean? Quoique Jean est un apôtre beaucoup plus important, c'est que Jacques était le plus vieux des deux frères. Mais Jean, c'est un apôtre vraiment exceptionnel parce que son rôle dans l'Évangile est majeur. Il est majeur. Contrairement à André et Jacques. On a vu leur vie rapidement la semaine passée. Ce qu'on voit de Jean, et souvent les gens mettent une emphase importante là-dessus, c'est qu'il était un homme, semble-t-il, tendre. Certains ont pris ça et ont amené ça à une position tout à fait erronée, qu'il était trop tendre, trop doux et tout ce qui vient avec ça. Mais on voit que c'est un homme qui a utilisé l'amour comme sa marque de commerce. L'amour. Sur ce, demandons à Christ de nous rendre l'enseignement de Jean vivant dans nos propres vies. Seigneur Jésus, on ne veut pas simplement regarder des personnages parce que c'est intéressant, parce qu'on a de l'information, puis on part. Oh, c'est une bonne chose de faire. On veut regarder la vie de ces apôtres parce qu'on veut être stimulé nous-mêmes à faire confiance au travail que tu fais dans notre vie, à savoir que tu as un beau plan pour nous et que même malgré nos fautes et nos faiblesses, tu veux racheter nos vies pour que nous soyons nous-mêmes des instruments pour ta justice. Pour que nous-mêmes, nous soyons des agents d'amour dans une société de haine. Alors, Seigneur, ouvre nos yeux pour que la parole devienne vivante à nouveau. En ton nom, le nom de Jésus-Christ, nous prions. Jean est toujours mentionné avec d'autres apôtres. Sauf une fois, dans le livre de Marc, on peut regarder rapidement, Marc 9, quelques chapitres plus loin. Marc 9, verset 38. C'est la seule fois qu'on nous parle dans les évangiles de Jean seul. Marc 9, verset 38. Jean lui dit, « Maître, nous avons vu un homme qui chasse les démons en ton nom et qui ne nous suit pas. Et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. » Jésus dit, « Ne l'en empêchez pas, car il n'est personne qui fasse un miracle en mon nom et puisse aussitôt après parler mal de moi. En effet, celui qui n'est pas contre nous est pour nous. » C'est la seule référence à Jean où on le voit en contact personnel avec Jésus, sans les apôtres autour de lui. Malheureusement, c'est une référence défavorable. C'est défavorable. Jean, arrête de t'inquiéter, lui fait un travail en mon nom, même si ce n'est pas en mon nom, il est utilisé par le Père pour amener ma mission sur terre. On voit que Jean, il avait déjà, comme son frère Jacques, il était un gars un peu colérique ou un peu intense. « Ah, mais là, j'aime pas ce qu'il fait. Là. Jésus, arrête-le. C'est pas bon ce qu'il fait. » On voit des préjugés que Jean, en quelque part, il est sectaire. Hein? On est un peu comme ça. « Ah non, mais notre Église, c'est la mieux. » Non, les autres, ils ne font pas la bonne chose. Ensuite, les préjugés sur toutes sortes de gens. Oh, on peut parler d'église, les baptistes ou les assemblées de Dieu. Oh, ils sont trop flyés, ils se garochent des murs, les baptistes sont trop sérieux. Puis, on devient tout serré dans notre petit carcan. Ça nous éloigne du Seigneur. Plus tard, lorsque Jean mature, et c'est ce qu'on veut faire dans nos vies, on veut maturer, on veut grandir, on veut être moins fermé sur nos petites choses. On veut voir l'équilibre entre l'amour et le compromis. L'amour et le compromis. C'est ce qu'on voit dans la vie de Jean. La vie de Jean. On a tendance tous à compromettre. Vous êtes d'accord? On aime être aimé. On aime ça être aimé. On m'a parlé récemment, j'ai eu une rencontre avec quelqu'un qui me parlait de son groupe religieux, son groupe chrétien. Puis ils me disent, de plus en plus, son groupe devient de plus en plus social. Ils veulent rejoindre Montréal, aider les gens, nourrir les pauvres. Donner des vêtements, c'est toutes des très bonnes choses, évidemment, mais il dit, plus ils font ça, moins ils prêchent l'Évangile. Et ce groupe-là, chrétien, ils aiment ça parce que la culture québécoise les aime beaucoup. Hey, c'est des gens qui font beaucoup de bien dans notre ville. Mais lorsqu'on parle de l'Évangile, quand on dit que Jésus est la seule voie qui nous amène à Dieu, on ne se fait pas aimer tout de suite. Alors, trouver cette balance, cet équilibre entre l'amour de son voisin, aimer, mais sans compromettre, c'est un défi dans nos vies personnelles. On veut aimer nos amis, on veut aimer nos amis non-croyants, on veut leur donner une chance. Mais quand ils se mettent à faire des niaiseries, c'est difficile pour nous de dire, « Hey, écoute, ce que tu fais, ça n'a pas de sens. » Parce que là, ils ne nous aiment pas. Et ils pointent leurs doigts à nous, puis « Oh, t'es légaliste, regarde, toi, t'es religieux, t'es fanatique. » Trouver cet équilibre-là. Jean a passé toute sa vie à chercher l'équilibre entre l'amour et le compromis. Alors, il est appelé l'apôtre de l'amour. L'apôtre de l'amour. Vous savez, l'amour sans un certain standard, sans des convictions profondes, ça devient une espèce de sentimentalisme. On a tous vu des films d'amour. « Oh, je t'aime! Que tu t'en ailles, que tu me quittes, que tu... Je t'aimerai toujours. » Une espèce d'amour de film. Un amour fragile, un amour bonbon. Bonbon, rose, nanane. Mais l'amour que nous, on cherche, c'est pas ça. L'amour qu'on cherche avec nos époux, épouses, nos amis, nos enfants et dans l'Église, c'est un amour profond qui est ancré dans la conviction. Et pourtant, la culture dans laquelle on vit, les musiques qu'on écoute, ah, tu sais, c'est toujours des espèces d'amour un peu folichon. Même si c'est beau au début, ça s'effrite. Hein? C'est comme une pierre savonneuse. Ça construit pas des édifices très forts. Donc, cet équilibre-là. Souvent, on est exposé à ceux qui nous invitent au compromis. Vous avez vu ça, même dans les chrétiens, d'être pas trop intense. Écoute, sois pas trop, exagère pas trop, sois pas trop fanatique dans ta foi personnelle. On nous invite à compromettre. Alors, Jean, lui, cherchait la vérité. Tout son ministère, c'est quoi la vérité? C'est quoi la vérité? Jean utilise le mot « amour » et toutes les autres formes du mot « amour » 80 fois. Et 70 fois, respectivement, dans le Nouveau Testament. Alors, c'est vraiment celui qui parle de l'amour. Dans ses lettres, on sait que Jean a écrit l'Évangile de Jean, ensuite, trois lettres, c'est ça, trois lettres, et l'Apocalypse. Une grande partie du Nouveau Testament est écrite par Jean. mais c'est toujours l'amour qui ressort. Est-ce que dans votre amour, vous cherchez la vérité? Évidemment, si vous êtes marié, avec vos enfants, avec vos amis, c'est quoi cet équilibre que vous trouvez? Moi, je t'aime, peu importe ce que tu fais. Mais attention, est-ce que vous essayez d'amener celui que vous aimez plus près de la vérité? Et ça, évidemment, on est entouré de gens qu'on peut aimer dans le monde. Moi, j'ai un bon ami avec qui j'ai déjeuné hier, un gars super, son épouse, morale quand même. Mais ils sont loin de la vérité. Puis est-ce que je les aime assez pour leur dire, écoutez, arrêtez de travailler trop. Ils travaillent 85 heures semaine, ils ne voient pas leur enfant. Ils cherchent le vent. Typique, là, tu sais. Ils courent après le vent. Oh, si j'ai plus de travail, si j'ai plus d'argent, si j'ai plus de notoriété. Est-ce que je suis capable de leur dire, des fois, je trouve ça dur. Parce que quand je leur dis, vous travaillez trop, ils me regardent comme, qu'est-ce que tu veux dire? Tu sais. Est-ce que vous essayez d'amener la vérité là où vous passez? L'amour de Jean était contrôlé par la vérité de Dieu, par la vérité de Dieu. On voit que ceux qui aiment beaucoup, c'est qu'ils ont reçu beaucoup d'amour. Même chose dans vos vies. Êtes-vous au courant de l'amour que vous recevez de Dieu? Dieu vous aime tellement, au-delà de vos attentes. Oh, il m'aime parce que je le mérite. Non, personne de nous oserait dire ça. Il vous aime parce qu'il vous a créé, vous êtes fait à l'image de Dieu, c'est merveilleux. Et donc, en résultant de cet amour-là qu'on reçoit, il faut en donner aux autres autour de nous. À ceux qui sont très près, mais à ceux qui sont moins près, ceux qui rendent notre vie misérable. Les gens dans les métros, les gens dans les voitures qui conduisent tout croche, qui ne mettent pas leur clignotant, les gens qui nous font rusher au travail, qui nous font rusher dans les magasins, qui sont... Est-ce qu'on est capable de les aimer? La vérité de Dieu, c'est qu'on doit aimer notre voisin, même notre ennemi. Alors Jean, lui, c'est vraiment dévoué à nous faire comprendre ça. On sait que Jean, comme je vous ai dit, a été appelé l'apôtre de l'amour. Lorsque Jean et tous les apôtres et Jésus prenaient le dernier repas, la Sainte Cène, je ne sais pas si vous vous souvenez, Jean avait mis sa tête sur le sein de Jésus, donc sur l'épaule ou la poitrine de Jésus. On se dit pourquoi? Parce qu'il était sentimental. « Oh, Jésus, tu es gentil, je t'aime. » Non, pas du tout. C'est que Jean voulait tellement être près de Christ. Il voulait entendre le cœur de Christ, en quelque part. Il voulait entendre toutes les révélations de Jésus. Est-ce que vous êtes comme ça avec Christ? Est-ce que vous vous approchez de lui pour comprendre la révélation? Ou simplement, « Oh, j'aime Jésus, ou j'aime Dieu, ou j'aime... » Mais en quelque part, vous n'écoutez pas. C'est le risque. Moi, c'est la même chose. Oh, j'aime. Oui, mais attention, aimer, c'est écouter. Jean, c'est ce qu'il faisait. Il se collait sur Jésus pour mieux entendre ce que Jésus avait à dire. Entendre. Pas le sentimentalisme, mais un amour réel. On revient dans la vie de Jean. La tradition nous dit que Jean est resté à Jérusalem après la mort de Jésus jusqu'à la mort de la mère de Jésus. Pourquoi? Vous vous souvenez? Jean avait dit à Pierre, on a parlé de Pierre la semaine passée, « Paie mes brebis » ou « Nourris mes brebis ». En anglais, « Feed my sheep »,« Nourris mes brebis ». En deux mots, « Satisfait les gens ». Et plus tard, on sait que Pierre, vous vous souvenez, il a enseigné des grands enseignements incroyables. Il a nourri les brebis, les chrétiens. Qu'est-ce qu'il a dit à Jean? Il n'a pas dit la même chose, c'est intéressant. Il a dit « Occupe-toi de ma maman ». Lorsque Jésus était sur la croix, une scène de grande tristesse, la mère de Jésus est au pied de la croix en douleur qu'on ne peut imaginer. Les parents peuvent imaginer ce que ça veut dire de voir ton enfant mourir. Et Jésus regarde Jean qui est près de sa mère et il dit à Jean, « Jean, regarde ta mère, regarde ou revois ta maman. » Et il dit à sa maman, « Mère, voici ton fils, mère, voici ton fils. » Pourquoi? Parce qu'il demande à Jean d'être cet apôtre de l'amour. Il sait que des 12 hommes, c'était celui qui allait prendre soin de sa maman comme personne d'autre. On vient de parler dans le temps de pause de nos mères, l'impact de nos mères. Et il n'y a personne dans nos vies plus important que nos mères. Même si des fois on a des difficultés avec eux, on les trouve un peu serrées, trop. Mais nos mères, elles nous ont tellement donné. Alors évidemment, dans des moments aussi terribles que la mort, ce serait notre mère. Jean devient celui qui prend soin de la mère. Donc, il reste à Jérusalem jusqu'à la mort de la mère de Jésus. Qu'est-ce que Jésus nous apprend sur l'amour? Qu'est-ce qu'il nous apprend? Laissez-moi faire une liste avec vous de 10 attributs de l'amour que Jean veut qu'on comprenne. C'est surtout dans ses épîtres, les petites lettres à la fin du Nouveau Testament. Premièrement, Jean veut qu'on comprenne que Dieu est un Dieu d'amour. Dieu est un Dieu d'amour. Avant tout. Non, Dieu est un Dieu de vengeance, un Dieu de justice. Si vous péchez, vous mourrez en enfer. Oui, c'est dans la parole, tout à fait. Mais ce n'était pas la mission de Jean. Et ultimement, ce n'était pas ce que Jésus veut nous laisser. Il veut nous laisser que l'amour nous guide à lui. Et si on ne laisse pas l'amour nous guider vers lui, il y aura des conséquences. Donc, Jean nous dit, Dieu est un Dieu d'amour, dans 1 Jean 4:8. Ensuite, que Dieu aime son Fils. Dieu aime son Fils. Ça, c'est une belle référence pour nous d'aimer nos maris, d'aimer nos enfants, d'aimer nos amis avec un amour passionné. Dieu aime son Fils, dans Jean 3:35. Dieu est aimé par son Fils. Dieu est aimé par son Fils. On parle de Jésus. Jésus aime son papa. Belle référence de voir que Jésus aime son Père. Pas comme un Dieu distinct, loin, mais un Dieu disponible. Dans l'évangile de Jean 14:31, Dieu aime les disciples. Et sommes-nous les disciples? Bien sûr. Les disciples, c'est ceux qui suivent Jésus. Nous sommes, si vous avez choisi de suivre Jésus, nous sommes des disciples de Jésus. Dieu nous aime. Dieu nous aime. Dans l'évangile de Jean 16, 27, Dieu aime tous les hommes, tous les humains, la race humaine. Alors, tout le monde à Montréal, tout le monde qui s'en fout qu'on se rencontre aujourd'hui, qui se fout de l'Église, qui se fout de Dieu, Dieu les aime et veut évidemment les amener à lui, Jean 3, 16. Hein? Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Ensuite, on parle de Christ. Christ aime les disciples. Alors, Dieu vous aime, Christ vous aime. Christ vous aime, dans Jean 13, 34. Christ aime tous les croyants. Tous les croyants. Alors, ceux qui ne marchent pas avec lui, être un disciple, c'est marcher avec lui, c'est le suivre. Mais pour ceux qui ont comme quitté l'Église, qui sont un peu affables, qui ne savent pas comment s'approcher de lui, Jésus les aime. Jésus les aime. Wow! L'amour, tu sais, on comprend tellement pas ça, nous autres. On a trop écouté de chansons quétaines. Ça nous a amené loin de ce qu'est l'amour réel. L'amour réel, ça a un prix. Ensuite, Dieu s'attend à ce que tous l'aiment. Jésus attend que tous les hommes l'aiment, dans Jean 14. Ensuite, ça c'est pour nous, les croyants doivent s'aimer les uns les autres. Nous, c'est le meilleur rapport qualité-prix qu'on peut avoir, là, quand les gens viennent nous voir. Si les gens viennent nous visiter ici ou dans la prochaine église, une prochaine, c'est « Hey, je suis pas d'accord avec ce que le pasteur dit, mais hey, que ces gens-là s'aiment les uns les autres. » Quand ils prennent un café, là, ils se parlent, je sens une tendresse, je sens une écoute, je sens que c'est important ce qu'ils vivent les uns les autres. Parce que vous savez bien que dans le monde, on s'en fout un peu. « Ah, oh, tu as des problèmes, pauvre toi, mais ça va aller. J'ai un bon psychologue. Tiens, numéro. » Mais est-ce que les gens s'aiment réellement? Nous devons nous aimer les uns les autres. Ensuite, que l'amour nous satisfait. L'amour nous satisfait et satisfait les commandements de Dieu. Alors voilà les 10 choses que Jean veut nous laisser concernant l'amour. C'est beau? Jean était un fils de tonnerre. Au début, il était passionné, puis il était préjugé. Mais en vieillissant comme nous, il s'est attendri. Il s'est attendri et il s'est mis à chercher la vérité. Cherchez-vous la vérité. Vous êtes-vous attendri au fil des années? Rapidement, la mort de Jean. Jean a suivi l'aiguille jusqu'à la fin. On nous dit qu'il a été banni sur une petite île, l'île de Patmos. Et il est le seul des 12 apôtres qui n'est pas mort en martyr, qui n'est pas mort tué par les Romains ou d'autres groupes. Il est le seul. Intéressant. Peut-être parce que son message était celui qui était le plus important et qui, jusqu'à la fin, devait être communiqué. Hein? Parce que c'est lui qui écrit le dernier livre du Nouveau Testament, qui est rempli d'amour. Quoique c'est un livre complexe, mais... Donc, il a été banni. Il meurt en 98 après Jésus-Christ. Alors, c'est celui qui meurt le plus vieux aussi, durant le règne de l'empereur Trajan. Et on nous dit que durant sa longue vie, ce qu'il disait toujours, c'est pas dans la parole, mais la tradition nous dit que mes petits-enfants étaient les mots préférés de ses lèvres. Mes petits-enfants, aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Pas facile. C'est pas facile. On est un petit groupe, c'est facile de s'aimer quand on est petit groupe, mais quand tu es dans une grande église puis il y a des gens qui sont, tu le vois, ou ils sont durs, oui. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Ça, c'est Jean, l'apôtre de l'amour. L'apôtre de l'amour. Regardons ensuite Philippe. On revient à Marc 3. Marc 3, on a déjà parlé d'André dans la deuxième liste. Verset 18. André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée et Simon le Cananite et Judas Iscariot. Philippe, la deuxième liste, habituellement, parce que là, c'est la façon dont c'est mis dans nos livres, mais il y a trois différentes listes d'apôtres. La deuxième liste commence toujours avec Philippe. Donc, Philippe était un peu comme le leader du groupe moins près de Jésus, du groupe un peu plus distancé de Jésus, OK? C'est un peu comme un leader. Philippe, c'est un nom grec. C'est un nom grec et on ne connaît pas quel était son nom juif. Mais c'est intéressant, Philippe, ça veut dire celui qui aime les maisons. Celui qui aime les maisons. Alors, voilà. On pense que son nom grec a été conservé parce que souvent, les gens venaient à Philippe, les non-croyants, les Grecs du temps, et non pas les Juifs, venaient à Philippe parce qu'ils reconnaissaient son nom. Ah, tu dois être grec, toi. C'est comme si, ici à Montréal, tu as un nom russe ou tu as un nom allemand, un nom italien. Les gens disent, ah, peut-être qu'ils sentent qu'ils peuvent venir à cette personne-là parce qu'ils viennent de la même ethnie. Alors, voilà, Philippe. Philippe vient de Bethsaida, petite ville en haut de la Galilée, et il était un bon ami de Pierre et Andrew, ou Pierre et André, un bon ami. On pense que tous ensemble, ils étaient des bons amis et qu'ils ont découvert Jésus ensemble, OK? On pense que c'est ça qui s'est passé. Regardons un des passages importants qui nous parle de Philippe. Il n'y en a pas beaucoup, dans Jean. Jean 1, 43. On nous parle de son appel ici, comment Jésus le choisit. Jean, chapitre 1, verset 43. Le lendemain, Jésus, il voulut se rendre en Galilée, et il trouva Philippe. Jésus lui dit, « Suis-moi. » Philippe était de Bethsaida, la ville d'André et de Pierre. Verset 45, Philippe trouva Nathanaël et lui dit, « Nous avons trouvé celui dont il est parlé dans la loi de Moïse et dans les prophètes, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit, « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? » Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui dit, « Viens et vois. » Jésus vint venir à lui, Nathanaël, et dit de lui, « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a pas de fraude. » Alors, on revient à Philippe. Philippe était déjà un homme pieux, un homme qui cherchait Dieu. Un homme qui cherchait Dieu. On se dit que Philippe était probablement quelqu'un qui étudiait la Bible, l'Ancien Testament déjà. Parce que, c'est intéressant, c'est le seul des 12 apôtres à qui Jésus dit directement, suis-moi, suis-moi, suis-moi. Et Philippe lui répond immédiatement. Philippe, on ne nous dit pas qu'il a hésité, il a cherché, il se lève et suit Jésus. Pourquoi? Parce que, tout de suite après, il va voir Nathanaël et il dit, voilà celui dont on nous parlait dans l'Ancien Testament. Alors, Philippe connaissait la Bible, ce qui l'a permis à Philippe de comprendre la vérité. Évidemment, c'est quoi est-ce que nous, on connaît la Bible? Parce que les vérités viennent de tous bords, de tous côtés, de fausses vérités, de vraies vérités. Ça n'arrête pas. On regarde la télévision, on ouvre des livres, les journaux, on entend nos amis. « Ah, moi, j'ai trouvé une nouvelle approche, puis je me sens vraiment en paix avec moi-même. Puis tu devrais essayer, ça s'appelle le zen, ça s'appelle le bouddhisme, ça s'appelle le si, ça s'appelle le... » 42 versions de la vérité. Si on ne connaît pas l'ultime vérité qui nous a été révélée dans la parole de Dieu, ben on se fait balancer d'un bord puis de l'autre. On ne sait plus où aller. Philippe connaissait la vraie vérité, connaissait la révélation de Dieu. Lorsque Jésus est apparu, ah, il savait tout de suite. Il pouvait tout de suite déceler qu'est-ce qui était vrai ou faux. Vous savez, si vous étudiez, c'est la même chose. Vos professeurs vont vous amener toutes sortes de choses à l'école, toutes sortes de choses. On vient des singes, on vient de ci, on vous a juste une bébête à deux pieds. T'sais. Les choses qu'on entend, c'est incroyable. Mais si tu connais la parole, si tu dis, attends une seconde, Adam et Ève, faites à l'image de Dieu, hein, y a un problème là, avec ton idée qu'on était, j'étais un insecte avant, ça, c'est quelque chose qui ne marche pas. Hein? Et là, tu peux déceler la vérité parce que tu te tiens sur la vérité révélée par Dieu. Moi, ma conversion, par exemple, il y a de ça 12 ans, j'étais au Texas, et c'est sur une montagne du Texas que je me suis mis à lire le Nouveau Testament. Ma mère m'avait donné le Nouveau Testament, et je lisais, c'est intéressant, je lisais justement un livre très connu, un nouvel âgeux, qui s'appelle « Zen dans l'art de réparer ta motocyclette ». Okay? C'est un livre très connu des années 70, très connu. C'était comment voyager, puis chercher l'absolu dans le zen, et tu répares la chaîne, et puis tu changes ton volant. C'était complètement flyé. Puis je lisais ça, puis ça n'avait aucun sens, mais voilà un vent de doctrine qui venait vers moi. Là, j'ouvre le petit évangile que ma mère m'avait donné, un évangile très simple, un peu quétaine, blanc. Mais je me mets à lire les mots de Jésus. Et ça m'a donné cette vérité-là. Ça m'a donné la révélation que j'avais besoin. Parce que 2-3 semaines plus tard, je me retrouvais au Nouveau-Mexique, je me retrouvais là où je me suis converti, à entendre le pasteur qui parlait de Jésus, qui parlait de la vérité de Dieu. Et entre ce que j'avais lu dans la Bible, la révélation de Dieu, et ce qu'on m'enseignait, et la révélation de Jésus-Christ, j'étais prêt. J'étais prêt à faire le lien entre les deux. Est-ce que vous vous voyez dans cela? Oui. Dieu vous prépare. Si vous n'êtes pas préparé, vous ne reconnaîtrez pas la vérité. Donc, il y a un temps pour toute chose. Si vous avez des amis qui ne connaissent rien de Dieu, qui sont pas catholiques, qui n'ont pas été catholiques, qui n'ont pas été protestants, qui n'ont rien, il faut comme construire une surface sur laquelle leur montrer la vérité. Alors, peut-être vous allez l'utiliser, donner une petite Bible, un petit pamphlet, quelque chose pour donner, mettre de l'huile finalement entre eux et la révélation de Christ. Alors, Philippe, lui, c'est comme ça qu'il reçoit l'Évangile. Il est prêt, il savait, ça avait un sens. Des vraies conversions, ça se voit de cette façon-ci. On voit que tout de suite, Philippe se lève et il va voir Nathaniel, son ami. Bon, Philippe aurait pu dire, ah non, c'est pour moi. C'est à moi tout seul, je le garde, c'est ma vérité. Ah, c'est pas bon signe. Quand quelqu'un devient chrétien ou dit qu'il devient chrétien, puis en quelque part, il se retire. Oh, j'ai pas besoin de l'Église. Oh, je suis un chrétien qui vit ma foi seul. C'est mauvais signe. Parce qu'en quelque part, le chrétien, premièrement, il a besoin d'être nourri. Puis ensuite, il a besoin de donner. Il veut donner. C'est comme naturel. Waouh, j'ai tellement reçu d'amour, j'ai tellement reçu de vérité, je veux donner à mes amis, mais je veux donner aux autres dans l'Église. C'est ce que Philippe fait. Alors, on voit tout de suite qu'il a effectivement été converti. Il va voir Nathaniel. Voilà celui dont on a parlé. Jésus, celui, le Messie tant attendu. Alors, on voit une réponse à son salut. Ensuite, dans Jean 6, verset 5, je vais vous le lire. Jésus leva les yeux, il vit qu'une foule nombreuse venait à lui et dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? » C'est intéressant. Lorsqu'il voyait, vous vous souvenez de cette scène-là, quand il y a des milliers de personnes devant Jésus, ils n'ont pas mangé, il est comme 6-7 heures le soir, ils sont sur l'île Sainte-Hélène, il n'y a aucun restaurant, tu sais. Ils ont faim, tout le monde a faim, puis tout le monde marche à pied pour traverser le pont, c'est long. Jésus, il s'inquiète, il faut les nourrir. Et là, écoute, on dit qu'il y avait 5000 hommes. S'il y avait 5 000 hommes, on peut penser qu'il y avait à peu près 5 000 femmes et peut-être 5 à 10 000 enfants. Aïe, aïe, aïe. Alors, tu te retrouves, il y avait quoi? 20 à 30 000 personnes. Ces gens-là ont faim pour les nourrir. À qui est-ce que Jésus demande la question? Qu'est-ce qu'on fait pour les nourrir? À Philippe. Moi, pourquoi tu me demandes ça, Jésus? Qu'est-ce que je peux faire, moi, pour nourrir? On pense que Philippe, c'était celui qui était en charge de la nourriture. Hein, on a chacun des rôles. Dans l'Église, on a chacun des rôles. Ici, on fait. Certains s'occupent du café, certains s'occupent des enfants, certains enseignent, font la louange, tout ça. Et là, Philippe, lui, c'était la bouffe. C'est la bouffe. Alors, Jésus dit bon, il faut que tu trouves de la bouffe pour 30 000 personnes. Bonne chance. Alors, c'est évidemment, c'est un test. C'est un test pour Philippe. Philippe, c'est un gars très pratique. Très pratique. Alors là, OK, il ne se met pas à paniquer. Il dit, il commence à compter. On voit que Philippe lui répondit, les pains qu'on aurait pour 200 deniers, ça c'était l'argent du temps, ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. Les deniers, c'était l'argent du temps. On estimait à peu près 200 deniers, c'était, bougez pas, je regarde ça ici, un denier, c'était ce que quelqu'un pouvait gagner en une journée. OK? Donc, tu fais une journée de travail, c'est un denier. 200, c'est 200 personnes. Nan, nan. En deux mots, si tu avais eu tout l'argent des gens qui étaient là, même, tu n'aurais pas pu les nourrir. Ils auraient pu obtenir un petit snack. En deux mots, il n'y a pas moyen de les nourrir. Et puis là, Philippe, il calcule. OK, je calcule. Je regarde ça. Au lieu de voir la situation de façon spirituelle, il voit ça de façon pratique. Trop pratique. Ça n'a pas de sens. Tu ne peux pas répondre à 30 000 bouches. Est-ce que ça vous arrive dans votre vie, vous, quand Dieu vous envoie des tests, des moments difficiles, des moments « comment je vais réussir cela? » Comment je vais réussir cela? Est-ce que vous avez tendance à calculer dans votre tête? Est-ce que vous avez tendance à calculer dans votre tête comment résoudre le problème plutôt que de demander à Dieu la solution? Plutôt que de demander à Dieu. En deux mots, vous essayez de résoudre le problème de façon intellectuelle, sans prier, sans chercher la voie spirituelle de répondre au problème. Évidemment, c'est de demander, Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Comment je peux m'en sortir? Les gens me rendent la vie misérable. Je suis malade, mon enfant est malade, j'ai perdu ma job. Je vais mourir de faim. Assoyez-vous et demandez à Dieu. Tu peux y aller si tu as besoin, hein? Pas de problème. De voir les réponses à nos problèmes de façon spirituelle. De voir les réponses spirituelles. Et ça se trouve de façon bien simple. C'est en priant. En priant, Dieu, aide-moi. J'ai besoin de réponses. C'est pas en calculant. OK, là, j'ai perdu mon travail. Mais là, si je vais chercher le chômage, puis j'emprunte 25 $ par semaine à un ami, puis je fais ci, puis je fais ça, c'est correct. Mais c'est pas là la vraie réponse. La vraie réponse, c'est Dieu. Pourvois pour moi, parce que je panique. Et Dieu va pourvoir. Dieu a une voie pour satisfaire vos besoins. Hein? Ensuite, vous pouvez calculer. Mais avant, demandez. Et si Philippe avait fait ça, s'il avait dit, Jésus, qu'est-ce qu'on va faire? Je te demande à toi, Jésus, comment les nourrir? Il aurait dit, t'inquiète pas, Philippe, j'ai un plan pour toi. T'inquiète pas, Philippe. Ensuite, on voit aussi que Philippe, il était comme indécisif. Il avait de la difficulté à se brancher. Philippe, on a vu que Philippe était trop technique dans sa pensée, pas assez spirituel. Ensuite, on voit qu'il est indécisif. Il y a des gens, des Grecs qui viennent le voir et qui disent, est-ce qu'on peut voir Jésus, s'il te plaît? Dans Jean 12. Est-ce qu'on peut aller voir Jésus? Et Philippe, il avait accès à Jésus. Il aurait pu dire à Jésus, Jésus, il y a des gens qui veulent te rencontrer. Plutôt de faire ça, il dit, Jean, il dit à ces gens-là, viens, je vais vous amener voir une autre personne. Il les amène à un autre des apôtres. Il brette dans le manche, comme on dirait au Québec. Il brette dans le manche, plutôt que de prendre le leadership. Donc, on voit Philippe, il est comme nous, il est tout à fait imparfait. Plutôt de dire, moi, je vais t'aider, il remet la question à quelqu'un d'autre. Mais peut-être, viens, je vais t'amener à voir un autre apôtre. Peut-être qu'André va s'occuper de toi. Ça, c'est Philippe. Ensuite, un autre passage concernant Philippe, dans Jean 14. Regardons ensemble. Jean 14, verset 8. Et c'est la meilleure façon d'apprendre à connaître qui sont ces apôtres-là, c'est de regarder ce que la Bible nous dit, puis d'aller chercher l'enseignement à partir de ça. Jean 14, verset 8. Philippe lui dit, alors ils sont assis, ils sont dans la Sainte Seine, ce moment glorieux. Et là, Philippe, regardez ce qu'il dit, c'est incroyable. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Quelle chose niaiseuse à dire! Philippe est avec Jésus depuis 3 ans. Ça fait 3 ans ou presque qu'il suit Jésus jour pour jour. Il a vu les miracles, les gens guéris, il a entendu tous les enseignements de Dieu. Je veux dire, nous, on en a entendu des enseignements, mais pas comme Philippe. Et là, à la première chance, il dit à Jésus, montre-moi le Père. Montre-moi le Père. En deux mots, c'est comme si... Bonjour. C'est comme si Jésus s'est pas assez pour lui. Il vaut plus. Il veut plus. Il est incapable d'avoir cette sensibilité spirituelle qui lui ouvre les yeux. Vous voyez-vous là-dedans? On dit à Jésus, donne-moi plus. Oh, c'est pas assez. J'ai vu ta main dans ma vie. J'ai vu comment tu pourvois. J'ai vu tout ce que tu as fait dans ma vie. J'ai vu... C'est pas assez. Donne-moi plus. Et Jésus nous regarde. Oh non. Voilà. Ils n'ont rien compris, les petits-enfants. Ils n'ont rien compris. Et c'est ce qu'il dit. Jésus répond et dit, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Ou verset 10, tiens, Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. En deux mots, réveille-toi. Qu'est-ce que tu fais? Philippe, c'est un apôtre. 3 ans avec Jésus et il est incapable d'avoir cette sensibilité spirituelle. Alors, attendez-vous pas vous-même à avoir ces yeux ouverts sur la vérité. Ah, je saisis toujours ce que Dieu dit. Je suis toujours en connexion avec la vérité de Dieu. C'est normal. Vos yeux sont fermés. Demandez à Christ de les ouvrir. Demandez à Christ de les ouvrir. Donc, on voit que Jésus est attristé. Et c'est la même chose avec nous. Hein? Je pense que Jésus est attristé souvent par notre incompréhension de la foi. Mais Jésus veut nous aider. Jésus veut nous aider. On parle de sa mort, vite, vite. Sa mort. La mort de Philippe. Encore une fois, Philippe, sauf Jean. Hein, Jean était le seul qui a vécu jusqu'à la fin. Philippe est mort. Écoutez ça. Il est mort en martyr. On dit qu'il a été mis à nu. Mis à nu. Attaché à l'envers, et c'est un petit peu dégoûtant, qu'on lui aurait percé avec des bâtons aiguisés les cuisses et les chevilles, et on l'aurait laissé mourir, saigner jusqu'à sa mort comme ça, pendu à l'envers. Une mort terrible. Alors, tu vis avec Christ, tu vis ces moments extraordinaires, mais encore une fois, Seigneur, je suis prêt à te suivre jusqu'à la fin. Je suis prêt à te suivre jusqu'à la fin. Donc, ces hommes-là, ils ont payé le prix ultime hein, pour suivre Jésus-Christ. Puis ensuite, on dit même qu'ils ne voulaient pas se faire envelopper dans un drap blanc, qui était la coutume du temps, parce qu'ils ne voulaient pas être enterrés comme Jésus. Ils disaient, je ne mérite pas d'être enseveli comme mon Seigneur fut enseveli. Alors, une mort absolument terrible. On se voit en lui, hein, quelqu'un incapable de voir qui est Jésus. On quelqu'un qui est indécisif. Oh, mais je sais pas ce que la Bible dit. Oh, tu veux que je t'aide? Viens, je vais t'amener voir quelqu'un d'autre. Puis aussi, on voit que si on a lu la parole, on est mieux équipé pour recevoir la vérité. Ça, c'est Philippe. Ensuite, on termine et on regarde un dernier personnage qui est Bartholomée. On retourne à Marc 3. Alors, on voit qu'il est appelé, dans Marc 3, Bartholomée. OK, voilà. Il établit les 12, André, Philippe, Barthélemy ou Bartholomée, ça dépend de la traduction. Barthélemy, Bartholomée, il a un autre nom. On va l'appeler par son autre nom le reste de l'enseignement. Dans le livre de Jean, on l'appelle Nathaniel. Nathaniel. OK, Nathaniel. Bartholomée, ça veut simplement dire le fils de Tolmaï. Donc, ça n'a pas de référence particulière. Mais, on va l'appeler Nathaniel. Regardons ensemble dans Jean 1, 43, pour apprendre à connaître Nathaniel. Jean 1, chapitre 1, verset 43. Parfait. 1,43. Alors, on vient de regarder ça, je crois, oui. Alors, Philippe, on a dit, va voir Nathaniel, et lui dit, nous avons trouvé celui dont il est parlé dans la loi de Moïse. Ça, c'est verset 45. Et dans les prophètes, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Verset 46, Nathaniel lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Ensuite, 47, Philippe lui dit, viens et vois. Jésus vit venir à lui Nathanaël et dit de lui, c'est intéressant, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a pas de fraude. Il n'y a pas de fraude. On pense que Nathanaël et Philippe étaient tous les deux des étudiants de la parole de Dieu. C'est tous les deux des gens qui attendaient le Messie. Donc, Nathanaël, il est équipé aussi pour recevoir cette vérité-là. Okay? Sauf que Nathanaël a un problème. Il y a des préjugés profonds. C'est un gars qui, je le crois pas, là. Je pense que de Nazareth, il n'y a pas grand-chose de bon qui puisse venir. Il est comme fermé. Tu sais, des préjugés, enfin, connaissez-vous des gens qui sont pleins de préjugés? Alors, des préjugés, c'est une espèce de généralisation basée sur des émotions et qui souvent te rend supérieur. Moi, je suis supérieur. Tu peux y aller si tu veux. Qui te rendent supérieur. Ah, vous rencontrez des gens, des non-croyants, des non... Puis qui se disent, oh, vous autres, les chrétiens, vous êtes venus dans l'Église, donc niaiseux. Puis il y a une espèce de sentiment de supériorité. Ils se croient plus intellectuels, plus intelligents, plus aptes à comprendre la vérité. Puis ces gens-là, c'est très difficile pour eux de recevoir la vérité parce qu'ils sont pleins de préjugés. Hein? Avez-vous déjà vu ça? Au Québec, c'est vraiment le problème. On est immobilisé dans notre capacité de parler aux gens parce qu'ils sont pleins de préjugés contre quoi? Contre l'Église catholique? Contre l'Église en général? Contre Dieu? Contre Jésus? Toute cette affaire-là, c'est fou. Ce qui fait que toi, quand tu veux parler de choses vraies, ils ne veulent pas t'écouter. Ils sont pris dans des espèces de masques, des murs, ils sont pris dans des carcans. Les préjugés vont t'empêcher de reconnaître la vérité. Avez-vous vu quand vos vies se sont ouvertes? C'est quand quelque part vous avez mis les préjugés de côté. C'est vrai, hein? Vous avez mis les préjugés de côté. À ce moment-là, vous avez compris les vérités. Compris les vérités. La chance que Nathanaël avait, c'est que parce qu'il avait étudié la parole, parce qu'il avait cherché la vérité, même s'il était préjugé par rapport à Nazareth, ah, cet endroit-là, c'est un endroit ridicule, Jésus ne peut pas venir de là. Parce qu'il avait étudié la vérité, ses préjugés ne prennent pas une place inébranlable. Ces préjugés peuvent être enlevés. Donc, ceux qui, en quelque part, sont catholiques aujourd'hui, vous avez remarqué ça peut-être, ceux qui sont catholiques, des fois, sont plus ouverts parce qu'ils ont étudié, ils ont entendu parler de Jésus-Christ, ils ont entendu parler de Dieu, ils ont une ouverture par rapport aux choses spirituelles. Et il y a comme un fond sur lequel on peut travailler. C'est un peu comme dans le cas de Nathanaël. Une des choses qu'on voit de Nathanaël, ça sort de la bouche de Jésus. Jésus dit lui-même, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a pas de fraude. Pas de fraude. Au moins Nathanaël est honnête. Il dit, Nazareth, qu'est-ce qui peut venir de là? Qu'est-ce qui peut être bon dans un... Calvary-Montréal, c'est quoi cette affaire-là? C'est du niaisage. Ah, il est honnête, les gens sont honnêtes. Au moins quand ils sont devant vous, puis ils viennent, puis ils disent, moi, la chrétienté, c'est une béquille, j'en ai pas besoin. Au moins ils sont honnêtes. À partir de ça, tu peux travailler. Et c'est ce que Jésus fait, c'est ce que Jésus voit. Contrairement, vous vous souvenez, on a parlé des pharisiens, les gens qui se disaient très spirituels, mais tu ne pouvais pas leur parler parce que c'était tout du mensonge. Hein? Ils sont faux. Les gens faux, il n'y a rien à faire avec eux. Au moins, quand quelqu'un est honnête, tu peux travailler avec eux. Donc, Jésus dit, « Hey, t'es sans fraude. » Puis Nathanaël, tu sais, il regarde sa réponse. C'est une belle réponse. On regarde dans verset 47, 48, Jésus dit, « T'as pas de fraude. » Nathanaël dit, « D'où me connais-tu? » « D'où me connais-tu? » En deux mots, ben voyons donc. Comment peux-tu dire ça, Jésus? Alors, Nathanaël, vous remarquez, il dit pas, « Oui, je sais, je suis un gars assez extraordinaire. » Il n'est pas arrogant. Il est humble. Hein? Il est humble. Parce qu'il est humble, Christ peut lui parler. Christ peut lui parler. Même chose, les gens qui sont ouverts à l'Évangile, c'est que souvent, c'est des gens humbles, qui ont été cassés par les difficultés de la vie. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Donc, Nathanaël, il est humble. Il n'est pas, « Oh, oui, je sais. » Et Jésus lui dit, « Je te connais. Je te connais. » Dans verset 48, « D'où me connais-tu? » Jésus lui répondit, « Avant que Philippe t'ait appelé, quand tu étais sous le figuier, je t'avais vu. Je t'avais vu. » Jésus nous connaît. Jésus connaît les gens à qui vous essayez de parler de l'Évangile. Jésus connaît les gens à Montréal. Il a un cœur pour votre famille et ceux qui ne sont pas sauvés. Il les connaît. Ben, il connaît non seulement là où il s'assoit pour se reposer, sous le figuier, parce que c'est souvent ce que les gens faisaient, ils allaient sous le figuier pour lire, pour réfléchir. C'est des immenses arbres. Mais il connaît leur cœur. Jésus connaissait le cœur de Nathanaël. Il savait qu'il y avait une ouverture là. Il savait qu'il y avait une ouverture là. Il savait le cœur. Il connaissait le cœur. Ensuite, dans 50, verset 50, Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'avais vu sous le figuier, tu crois? Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. En vérité, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Dans verset 49, voyez-vous, Rabbi, Rabbi, toi tu es le Fils de Dieu, toi tu es le roi d'Israël. Parce que Jésus dit, je te connais. Ah! Nathanaël dit, ah, t'es le Fils de Dieu, merveilleux. Il y a des gens qui sont prêts à recevoir les gens d'Évangile. Il y en a partout. Partout, qui ont le cœur tendre. Qui ont le cœur tendre. Et vous en êtes des preuves. Vous en êtes des preuves. Et Jean, tu vois, ce que Jean dit, c'est que Jésus est touché par la foi simple de Nathanaël. Wow! Je te dis simplement que je savais qui tu étais, et à cause de ça, tu me reconnais comme sauveur. Alors toi, mon doux Philippe, tu vas voir des choses merveilleuses. Et ça, c'est pour nous. Une foi simple. C'est tout ce que Dieu nous demande d'avoir. Ah non, croyez que Dieu peut faire des choses extraordinaires qui va bouleverser le monde. C'est pas ce que Dieu veut que vous croyez. Croyez simplement que Dieu vous aime. Croyez simplement que Dieu a un but dans votre vie. Croyez simplement qu'il sait où il vous amène et il vous montrera des choses extraordinaires. Et on voit, c'est très beau. Juste après, ça finit le chapitre 1 de Jean. Chapitre 2, c'est quoi? C'est le premier miracle de Jésus, les noces de Cana. Les noces de Cana, et on voit que Philippe est là, et il a vu que les vins ont été transformés, que l'eau a été transformée en vin, et il voit la puissance de Dieu. Et évidemment, il va voir la puissance de Dieu pendant les 3 prochaines années. Suivez Christ, simplement, ayez une foi d'enfant. Jésus, j'ai besoin de toi, je sais que tu es capable, je te donne ma vie, et vous verrez des choses extraordinaires. Jésus vous le promet, vous verrez des choses extraordinaires, de plus grandes choses. De plus grandes choses. De plus grandes choses. On sait très peu de choses d'autres sur Nathanaël. On sait très peu de choses d'autres. On sait qu'on nous dit que sa mort a été aussi une mort absolument atroce. Une mort atroce, on nous dit qu'il fut écorché vivant. C'est tout ce qu'on sait sur sa mort. Écorché vivant. Si vous comprenez ce que ça veut dire avoir la peau, ta peau enlevée morceau par morceau. Alors, le fil, l'aiguille, suivre Jésus, peu importe le prix, et de s'attendre à de grandes choses, Est-ce que votre vie est marquée par l'amour pour votre prochain? Ah, moi je trouve ça assez dur de travailler avec des gens tout croches, de voir des gens tout croches, j'ai pas envie de dealer avec eux. Est-ce que votre amour pour eux est réel? Est-ce que vous êtes prêt à dire la vérité, même si en quelque part on va vous aimer un petit peu moins? Oh ben elle, ouais ben lui, c'est un religieux, je ne veux pas en entendre parler. Osez. Osez parce que, en quelque part, peut-être que devant vous, il y a un Philippe, un Bartholomé, quelqu'un qui attendait la bonne nouvelle. Et vous, êtes-vous prêt à recevoir la vérité? Est-ce que vous étudiez la Bible un petit peu? Est-ce que vous l'ouvrez durant la semaine? Sinon, si c'est seulement ici que vous en entendez parler, quand la vérité ou quand les fausses vérités vont vous ensevelir à gauche et à droite, serez-vous prêt? Serez-vous prêt à dire ça, c'est la niaiserie, ça? Ah, ça, c'est la niaiserie. Ça, c'est la vérité. Et le désir de tout pasteur, c'est de voir que ces brebis s'abreuvent eux-mêmes auprès de la parole. S'abreuvent eux-mêmes. Ouvrez-la, simplement. Commencez à lire dans Jean. Lisez dans Philippiens, lisez dans Éphésiens. Ouvrez! Tu dis 15 minutes, 20 minutes. Tu dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Tu vas voir, ça va vous parler. Si ce qu'on a dit aujourd'hui vous a parlé, c'est que personnellement, vous pouvez vous nourrir, vous abreuver à la vérité de la parole. Que Dieu vous bénisse. Comprenez que ces apôtres-là, c'est un peu de vous. Pas plus, pas moins. Mais que Christ a un plan qui est merveilleux pour nos vies. Merci d'être venu. Prions ensemble. Seigneur, on regarde la vie de Philippe, de Bartholomée, la vie de Jean. On voit nos faiblesses, leurs faiblesses. On voit leurs forces, qui sont un peu nos forces. Transforme-nous, Seigneur. Aide-nous à avoir une foi qui est simple, une disponibilité à ta vérité, Seigneur. Qu'on soit prêt nous-mêmes à parler aux autres, mais avant tout à être transformé par ta parole, à laquelle on s'abreuve personnellement. On te donne cette semaine, mon Dieu. Transforme-nous et prépare-nous pour ce déménagement la semaine prochaine, qu'on se retrouve avec joie et enthousiasme de voir ce que tu vas faire dans cette nouvelle bâtisse. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen.